Et voici l'humeur de Guillaume. Ah, non. Oui, ça va ? Bonjour les amis. Bonjour. Alors comme vous le savez certainement, dans la mythologie grecque, le jaune est le symbole du soleil, du miel et des bananes. Ce qui me fait dire que bon, la mythologie grecque, c'était surtout du bon sens, quoi, finalement. Donc ils arrêtent un peu les Grecs de se la raconter là, comme s'ils avaient inventé le télécollement d'universel, quoi. Mais pourquoi je vous parle de jaune ? Oui, parce qu'en ce mardi 12 septembre, journée mondiale et nationale de mobilisation, qui c'est qui se mobilise pas ? Nous. Hein, trop bien ? Vous avez vu ? C'est vrai, on n'a pas tous les jours, on n'a pas tous la chance d'avoir pu donner un coup de main pendant la collaboration, pas vrai, Maréchal ? Yeah. Ah, d'accord, les Français sont dans la rue, on est au boulot, et voilà, comme ça. Comme disait Bertolt Brecht à propos des gens comme nous, c'est ce qu'il disait ? Des tas de trucs en allemand, mais voilà, je suis pas là pour étaler ma classe, même si je suis déçu. On m'avait dit, tu vas voir France Inter, c'est Radio Corée du Nord, etc. Tu vois, les journalistes se lavent jamais, les fils épilent avec du feu, tous les jingles font djembé. Même Léa Salamé, elle roule ses cigarettes, sérieux, c'est un squat aux frais du contribuable. Et en fait, pas du tout, hier, persuadé qu'on se soulèverait et tout, que ce serait la folie, j'ai appelé Nagui, j'ai dit, alors on fait quoi demain par rapport au code du travail ? Il me fait, code du travail. Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par code du... Alors j'ai appelé JB, le rédacteur chef de l'émission, j'ai fait, quoi, Nagui, il est pas sensible à la mobilisation sociale ? Il m'a dit, si, complètement. Très sensible. Enfin, si tu considères que Gilbert Montagny est sensible aux couleurs chaudes et aux lignes de foot, hein, c'est ce genre de sensible-là. Donc je fais, ah oui, et pourtant c'est pas un patron voyou, quoi. Je me rappelle, quand je suis revenu de vacances, il s'est souvenu de mon prénom. Il m'a fait, oui, là c'est le moment. Mais c'est plus une question de culture du syndicat. Chez lui, tu vois, les pyramides avec la CGT, on sera encore à l'entresol, quoi. Tu vois, donc il y a des réflexes qui se gardent. Du coup, je vous admets que j'étais un peu ébranlé, c'est vrai. Bon, pour Daniel Morin, j'étais au courant, quoi. Son chauffeur, son pins du MEDEF, sa calvitie, je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Mais Leïla, je demande à JB, Leïla, elle est pas de gauche. Elle m'a dit qu'elle était venue en RER un jour. Et, oui, il me dit oui, mais depuis qu'elle présente le JT de France 2, elle est ni de gauche ni de droite, mais de droite, tu vois, comme Laurent Deutsch. Alors tu me crispes les couilles, bon boulot. Du coup, je me suis retrouvé seul face à un cas de conscience parce que voilà, les grèves, c'est comme les queue-leu-leu, quoi, c'est tout le monde ou c'est personne, tu vois, hein, seul ça donne envie de se crever dans un lave-vaisselle, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, so what, je suis plus un gamin, quoi, c'est vrai, j'ai fait deux fois la chlamydia, merde, j'ai une carte Carrefour, quoi. Et c'est vrai, pendant un petit moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire la grève tout seul, Florent Pagny style ici, vous aurez pas ma liberté de penser. Je m'aurais déjà la double page dans Libé comme ça, l'homme qui a dit non, sous-titré, le chroniqueur belge a su redonner sa dignité à une chaîne souillée par la compromission. J'étais comme un ouf, franchement, je me disais, tu sais quoi, ça c'est du 60 likes sur Facebook, franchement, Charline Vanhoenacker qui arrête de me dénoncer à la sécu de Radio France et tout. Tu vois, Muriel Pénicaud qui me fait des excuses publiques, hein, tu m'as ouvert les yeux, Guillermo Petticarino. J'ai vraiment fantasmé le truc, c'était hyper gratifiant. Et puis après, j'ai réfléchi à l'impact véritable qu'aurait une grève solitaire de ma part sur la gangue sociale. Alors j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Vraiment, je me suis dit, si je fais ça niveau caisse de résonance, ce serait un peu comme si, pendant la Coupe du Monde 98, Bernard Diomède avait fait dans le vestiaire, les gars, démerdez-vous, moi je joue pas. Ok Bernard, bon film. Hein. Non, mais pas la peine de me retenir, vous avez compris, c'est sans moi. Ouais, enfin, tu nous rejoins en boîte, du coup, pas de problème, il y a liberté. Donc voilà. Paré de jaune à interroger la force de mes convictions et des sacrifices que je suis prêt à faire pour mes idéaux. Qui suis-je politiquement ? En vrai, avant j'étais de gauche, maintenant je suis célibataire. Et c'est pas compatible avec l'engagement politique, je crois. C'est quoi ton projet de société ? Oh, je sais pas, me reproduire sous l'emprise de l'alcool ? Votez si rose ! Allez, bonne grève les amis, si vous avez osé la faire, et bonne émission pour les autres. Merci. France Inter, Nagui, la bande originale.